à jeudi. Пастух играет песню на рожке. Устали с лбами, слушает табун, что им поет вихрастый гамаю. Sur les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Livre, presse, documentaire, comment comprendre le retour en grâce de Raymond Aron, de ce philosophe qui disait lui-même avoir une grande expérience de l'impopularité. Alors certes, le 17 octobre dernier marquait les 35 ans de sa mort, mais au-delà de cette date, Aron connaît incontestablement un regain d'intérêt. En témoignent par exemple ses quelques articles. Le Point lui consacrait il y a quelques semaines un dossier spécial sous le titre « Aron, le penseur pour résister à la bêtise » et évoquait à juste titre un moment aronien. L'hebdomadaire Marianne, début février, remarquait que Aron se conjugue aujourd'hui au présent. Et il faut souligner que même le quotidien Libération, dès 2017, concédait que le penseur avait raison. Sans oublier bien sûr la série d'émissions de Brice Couturier, ici même sur France Culture, qui a inauguré encore avant, durant l'été 2016, ce moment aronien. Alors pourquoi ? À quoi tient ce moment ? Pourquoi vouloir remettre les pendules à l'heure et rendre aujourd'hui raison à Raymond Aron ? Et est-ce vraiment en accord avec sa pensée ? Je vais faire un aveu, je n'ai jamais entendu votre émission. Et la manière dont vous me posez cette question, c'est-à-dire suis-je à la recherche de mon personnage, je vous répondrai franchement non, je ne crois pas. J'ai le sentiment que mon existence a été faite dans une large mesure par des circonstances qui me sont extérieures. Car mon ambition initiale, je ne crois pas l'avoir accomplie, elle était purement philosophique et purement scientifique. Pour comprendre à quoi tient cette actualité aronienne, le mieux est encore de se plonger dans ses écrits. Et c'est ce que permet l'abécédaire de Raymond Aron qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire, qui de la lettre A à W propose une sélection de textes, extraits de ses entretiens sur France Inter, sur France Culture ou que l'on trouve dans l'ouvrage Le spectateur engagé, ou extraits de ses livres tels son Introduction à la philosophie de l'histoire, L'opium des intellectuels, Liberté et égalité, sans oublier ses mémoires. Et ce qui est intéressant avec cet abécédaire, c'est qu'à la différence des hommages rendus à Raymond Aron, il nous met directement dans le bain de sa pensée. Il n'y a pas d'intermédiaire qui nous prépare, voire nous oblige à le lire comme le penseur d'aujourd'hui. Car c'est une des tendances éditoriales actuelles, nous faire découvrir des philosophes, notamment sous l'angle de l'actualité, pour penser le présent. Aron serait ainsi le philosophe de l'Europe qui a vu à la fois les dangers du capitalisme et du communisme. Le penseur lucide des relations internationales, le journaliste à la bonne distance de l'histoire, autrement dit, le spectateur. spectateur engagé par excellence tel qu'il aimait à se définir. Et si nous lisions plutôt à rond pour lui-même, sans se dire qu'il n'avait ni tort ni raison, non pas pour l'extraire de l'histoire, mais pour éviter les présupposés, les mises en garde ou les préjugés favorables. Je fais une critique qu'il vous plaît d'appeler impitoyable, dur, de ce que j'appelle les exercices intellectuels des agrégés de philosophie, qui, étant révolutionnaires pour des raisons qui sont probablement légitimes, veulent absolument avoir une foi intellectuelle pour justifier leur foi affective. Ils veulent avoir un dogme, ils veulent présenter une adhésion qui est probablement émotionnelle comme un acte de raison, et ils ne veulent accepter ni le marxisme simplifié qui est enseigné en Union soviétique, ni renoncer au marxisme. Des pensées, des réflexions de ce type, c'est ce que l'on trouve dans cet abécédaire. Et se dessine ainsi, par morceaux, par bribes, un portrait de Raymond Aron. On pourra aussi retenir ainsi la lettre D, comme déconner, à laquelle on découvre qu'Aron pouvait se qualifier comme un tempérament constipé, je cite. La lettre E, comme ennui, où il nous dit qu'il ne s'ennuie jamais, tant la vie lui semble passionnante. Ou encore la lettre I, comme interrogateur, où il reconnaît, je cite, avoir toujours été le contraire d'un dogmatique, un interrogateur permanent. Et bien sûr, il y a la lettre M, comme Marx, qu'il dit avoir suivi à la trace, le marxisme avec lequel il a dialogué d'un bout à l'autre de son existence, sans pour autant être d'accord avec l'un ou l'autre. De ce recueil se dégagent ainsi deux ombres, deux éléments fondamentaux pour saisir le portrait d'Aron, celui de Marx donc, mais aussi celui de Sartre, ami puis ennemi, momentanément réconcilié en 1979 pour la cause des réfugiés. Il est vrai que le président n'a pas donné une réponse formelle dans un sens ou dans un autre aux demandes du groupe. Il est vrai qu'il n'a formellement promis qu'une seule chose, c'est que tous les réfugiés qui seraient dans ce bateau battant le drapeau français seraient acceptés en France. Et là-dessus, il n'y a pas l'ombre d'un doute, non, d'autant plus que c'est un principe fondamental. Cet abécédaire dresse ainsi le portrait d'un intellectuel dans une époque, certainement en écho avec la nôtre. Mais pour ma part, je retiendrai plutôt de ces textes une attitude, un style, une méthode, l'humilité, le questionnement d'un penseur qui a tenté de connaître l'ensemble dont il n'était qu'un atome, l'hommage à un père, le refus des utopies et surtout l'aveu de tenir passionnément à l'embarras du choix sans que l'histoire ne lui commande d'adopter une opinion ou qu'un philosophe, même comme lui, ne s'instaure comme le penseur du moment. Et pour découvrir cet abécédaire, c'est aux éditions de l'Observatoire. C'est une sélection de textes par sa fille Dominique Schnapper et Fabrice Gardel. Fabrice Gardel, dont on peut regarder le documentaire « Aron, le chemin de la liberté » qui vient d'être tout juste primé. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Un grand merci à Colomba Grossi qui m'a aidé à préparer ces émissions avec Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Nicolas Berge qui réalise cette semaine, Élise Leu qui est à la prise de son ce matin. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Anton Tchekhov. Demain, nous serons en compagnie de l'auteur et metteur en scène de théâtre Alain Françon qui viendra vous parler d'Ivanov, la pièce donc de Tchekhov. D'ici là, pour réécouter cette émission, sachez que c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien les télécharger. Les podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez, à volonté pour une durée illimitée. Rendez-vous également sur les réseaux où l'équipe des Chemins de la Philosophie sera ravie de répondre à vos commentaires, Twitter, Facebook, Instagram, beaucoup de moyens de nous joindre. On se retrouve demain à 10h précise donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.